Je m'appelle Nadjo Kaina, porte-parole du mouvement citoyen au Tchad, un mouvement citoyen qui œuvre pour la défense des droits humains et aussi la bonne gouvernance dans notre pays. Ce qui m'a motivé pour être un défenseur des droits humains, c'est l'injustice élevée au Tchad. Et une fois, quand j'étais président national des étudiants du Tchad en 2015, j'ai été arrêté. Et quand j'étais arrêté, arrivé en prison, j'ai passé une première nuit dans une cellule de 8 mètres sur 4 où il y avait 170 prisonniers. Il était impossible de rester même debout ou soit de rester assis, mais on était cloîtrés comme dans des boîtes de sardines. Et à la sortie de la prison, au lieu que cela me décourage, cela m'a plutôt motivé, cela m'a fortifié pour que je m'engage pour défendre des droits humains, afin que de telles choses ne se répètent plus jamais. Et d'abord, étant un être humain, quand autour de vous il y a des exactions, quand autour de vous il y a des violations des droits humains, votre conscience ne vous permet pas de dormir tranquillement. Votre conscience ne vous permet pas d'observer. Et c'est une interpellation au fond de votre cœur de vous engager. Et quand vous vous engagez pour une cause commune, vous avez l'espoir que vous pouvez changer cette situation et que vous pouvez apporter des sourires au visage de certaines personnes qui souffrent terriblement de ces violations. Les droits humains, c'est un engagement à risque, mais c'est le plus meilleur chose, c'est la plus meilleure des choses que nous pouvons faire parce que nous le faisons avec le cœur, parce que nous espérons croire que cela va améliorer la vie de certains de nos compatriotes.